et les Thamoud jusqu'au dernier. Mais le peuple de Noé avant eux, qui fut encore plus injuste et plus rebelle. Mais les villes renversées, c'est lui qui les démolit. Il les couvrit par ce qui devait les couvrir. Voici un avertisseur héritier des avertisseurs d'autrefois. Quel bienfait de ton Seigneur alors mettras-tu en doute? L'heure imminente approche. Elle ne saurait être dévoilée par d'autres qu'Allah. Sont-ce là des propos qui vous étonnent? Auriez-vous plutôt que d'en pleurer? Ne vous en souciant nullement. Prosternez-vous donc devant Allah et adorez-le.